tension. Haute tension. Ok. Check. Ni bac à l'enréa, ni médecin, ni avocat. J'suis ni flic, prends pas la fuite. J'suis juste MK si t'aimes les lyricistes. Chez moi c'est le Zion, on découpe le bras quand tu voles une poule. C'est 94 pour faire sauter les foules. Tous dans la zère, mes armes. Ceux qui parlent peu sont souvent ceux qui ont des armes. Depuis minot j'ai vu les larmes de ma mère couler. Aujourd'hui en Berne également j'espère rouler. Classe moi parmi les winners parce que je domine au mic. Et sur le parquet comme Mike. Aïe. Oh tension, on veut la gloire, on veut la voir cette pute après chacune de nos chansons. Voyons on se bute parce que le but c'est ce putain de butin. Voyons en cul pas même devant leurs sanctions. Oh tension, on veut la boire cette pute après chacune de nos chansons. Voyons on se bute parce que le but c'est ce putain de butin. Voyons en cul pas même devant leurs sanctions. On va pas se fouiller comme sous l'Isère, claquer des lovés dans les parabutes. Barrez-vous, y'a l'astuce. Moi je préfère entendre, j'ai eu mon brevet Mathieu. Pose ton cul dans la Gauvin, on se part en concert, y'a du people. C'est les négros et blues, j'suis le Robert Johnson. J'suis OP comme un kamikaze, enlève tes teams quand tu rentres dans ma case. Tu peux pas tester un noir qui a grandi dans les casques, capiche. J'écris jour et nuit, thématique ou cypher. Demande à Zog si on fait ça depuis 9-0, envoie le Zay au papy. Tu me suis d'Orly à Pierrefitte, tu verras les petits half-fits. À chaque coin de rue, c'est ma vie, mon son en pleine émotion. Lean, dance my boy, jette ton calibre. Attention, haute tension. Manu K-Sort, troisième empire. Yeah. Mes fesses sur mes fesses, j'suis là, j'mets fume mon stick, j'reste méfiant. Les mains, mes gens sont peu élégants. Et les grands méchants descendent les flics, tous mettent les gants. 3, 8, 10, les fers, y'a pas de bouffon, donc sortez les glands. Troisième empire, mon clan, c'est sanglant. Lorsqu'on arrive, ça pète, sale de bus, c'est 9 seutres. Que des boules de Z et des seutres sur la teuté. On reste des seutras, c'est veutra, t'es en seutrant. On opère pas en teutrés, j'en place une pour se vendre. La 9 pour Robert et Olney. Là, on est tous mal barrés. Mélange de Marlboro dans la barrette. Cortex de chamam, c'est nous, personne nous arrête. Haute tension, violence sur mixtape. OP pour tous ceux qui se tapent. Réussir dans la vie, se barrer en avion. Parce que j'ai la dalle, j'enfonce les crocs dans la viande. Quelques mesures empoisonnées, tant toxiques comme l'amiante. Haute tension, on veut la gloire, on veut la boire. Cette pute après chacune de nos chansons. Voyons on se bute parce que le but c'est ce putain de butin. Voyons en cul pas même devant leurs sanctions. Haute tension, on veut la gloire, on veut la boire. Cette pute après chacune de nos chansons. Voyons on se bute parce que le but c'est ce putain de butin. Voyons en cul pas même devant leurs sanctions. L'essence, les paroles sont sans, j'ai touché sans foi, sans sauce. On questionne, j'irai sans foi, toutes tes lois sont fausses. Sans serrer, c'est insensé comme l'essence. Indolore et inodore, crois que je suis insensible. Je suis resté habile comme Cosby, on cause bien. J'ai pas de billes et boules, ça fait pas comme un pitbull. J'suis formé, tu veux pas sortir son gilet barbal. Ma formule n'est pas de nulle part, j'les compte pas mille. J'suis formé, j'suis pas formé pour être performant. Formé, former les infos n'est pas mon fort, non. Un crédit, si ça sur la feuille sans crédit. On se crédit, plus un occasion de pouvoir créer du rap. Sans un scrupule, j'crois que c'est décrété. Croiser mon pire au microphone, pas peine s'arrêter. On nous a pas félicité d'avoir zoné dans des cités. Sauf si on serait tous des célébrités à réciter dans des citations. Fais-nous une place de patron, de part des tatas, on a sauté garçon. Et combien de polos on a dû jeter d'un pont au fond. Difficile de se faire une opinion, reste mignon et mêle-toi tes oignons. Ça pue les histoires de pognon, les mômes suivent l'exemple des grands frères. Mais en banlieue c'est pas la bonne foulière, d'habiter qu'à la Courneuve au père. Reste sous la main pour que nos parents soient fiers de nous. Mais en tout cas, entre potes, on se l'avoue. Les voisins jaloux de nous voir parce qu'on sort d'un coup. Maintenant, à eux, ça y est, vers Corentin, Cariou, porte Saint-Clou. Cortex, ses obsiennes, les siennes, tout Paname jusqu'au bout. Avec MK, ils cherchent même les schlaps, se retrouvent à genoux. Oh, tension, on veut la gloire, on veut la boire. Cette pute après chacune de nos chansons. Voyons, on se bute parce que le but, c'est ce putain de butin. Voyons, on recule pas même devant leurs sanctions. Oh, tension, on veut la gloire, on veut la boire. Cette pute après chacune de nos chansons. Voyons on se bute parce que le but c'est ce putain de butin. Voyons on recule pas même devant leurs sanctions.